Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de En route vers l'insertion. C'est Chris et pour ce nouveau numéro, je reçois Olivier Robert, directeur des jardins terrasses de Plombières-les-Bains, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes ici pour parler des jardins en terrasse. Donc, Olivier, qu'est-ce que les jardins en terrasse précisément ? Alors, les jardins en terrasse, c'est une association. D'accord. Et ce sont aussi des jardins en terrasse au-dessus de la ville de Plombières qui développe un certain nombre d'activités. D'accord. À destination du public et qui sont donc sont des activités qui sont animées par des personnes en contrat d'insertion. Et voilà, donc ça c'est en une phrase, c'est ça. D'accord. Donc les jardins en terrasse, comme vous l'avez dit, est une association qui a plusieurs objectifs. Donc ouais. Un social, un économique, un environnemental et un culturel. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer ces différents aspects ? Alors on a, c'est effectivement multi-facettes, les jardins en terrasse. Donc c'est avant tout, comme je l'ai dit, des jardins avec des potagers, plusieurs potagers, des parterres de fleurs, c'est un lieu insolite, hein. C'est difficile à décrire, il faut venir pour pouvoir vraiment l'appréhender. On peut y flâner très longtemps. Donc c'est avant tout cette dimension jardin en premier lieu. Ensuite, donc, ce sont des jardins qui proposent des activités, alors des animations auprès des jeunes, des scolaires, des centres de loisirs pendant les vacances, pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement, d'accord, à la préservation de l'environnement. Alors, ça, c'est un autre aspect. Nous avons un accrobranche, également, au-dessus des jardins, pour la dimension loisir. D'accord. Et la dimension économique, faut le reconnaître, c'est aussi une partie non négligeable de notre budget, de notre chiffre d'affaires. La dimension vente de produits, nous avons un bistrot que l'on appelle le chalot, qui propose donc à la vente des produits transformés par les jardins, donc des confitures, des sirops. D'accord. On peut aussi se boire une petite bière locale sur la terrasse des jardins, une bière ou une citronnade, un jus de pomme. Voilà, donc nous avons également une dimension culturelle avec ce qu'on appelle les nocturnes. Ce sont des événements, donc on en a plusieurs dans l'été, avec un petit apéro, en général, systématiquement, un apéro offert, et puis un concert derrière dans la soirée. D'accord. Qui se passe à la halle, au-dessus des jardins. Voilà, donc toutes ces activités sont animées, sont gérées par une équipe de personnes en contrat d'insertion, encadrées par des encadrants techniques, donc professionnels. Et voilà, donc j'oublie peut-être quelque chose. Non, je crois que j'ai fait le tour en gros de toutes les activités que l'on propose sur les jardins. D'accord. Et donc, ces boissons, donc bière, citronnade, etc., est-ce qu'elles sont fabriquées par les bénévoles ou est-ce que vous avez un certain partenariat avec des brasseries ou autres ? Les deux. D'accord. On a des... Alors, les confitures, les sirops, la citronnade, le jus de pomme, tout ça, c'est fait par des bénévoles ou les salariés. D'accord. Et oui, parce que je n'ai pas parlé des bénévoles, ils ont un rôle très important dans l'association, et notamment pour tout ce qui est le travail sur les événements culturels de l'été. Bien sûr, c'est une association loi 1901, donc le bureau et le conseil d'administration, les responsables sont des bénévoles également. D'accord. Donc ça, c'est clair que c'est une dimension très importante. Pour revenir à votre question, donc sinon, on travaille effectivement en partenariat avec les producteurs locaux, les plus proches possibles tant qu'à faire, donc plusieurs brasseries autour de Plombières, un glacier aussi qui est à Fougerolles, donc Fougerolles, Val d'Ajol, Plombières, Remiremont. Voilà, donc oui, il y a une réelle volonté de partenariat avec les producteurs locaux, oui. De la route des Chalots également, c'est une route touristique où donc, un certain nombre de producteurs sont présents sur cette route et on travaille également avec eux, oui. D'accord. Donc, les jardins en terrasse ont-ils toujours été une association ? Alors, Ce sont des jardins qui ont une qui ont été les terrasses en fait ont été fabriquées construites bien avant l'association. Alors ça c'est l'histoire de plombière qui nous en dirait plus. Et moi comme je suis là que depuis 5 mois, je n'en sais pas beaucoup encore. D'accord. Mais j'ai l'intention parmi les choses que j'aimerais que l'on fasse avec toute l'équipe. C'est une visite guidée de Plombières, qui est une ville quand même avec une forte histoire et un fort patrimoine. Et après cette visite guidée, je pourrais revenir pour vous dire ce qu'il en est de ces jardins. Donc voilà, les jardins, les terrasses sont anciennes. L'association en elle-même, elle a une 20aine d'années, donc depuis le début des années 2000, d'accord, où donc des bénévoles ont commencé à défricher ces terrasses on commençait à mettre en place ce chantier d'insertion. C'était au départ uniquement un chantier d'insertion avec un potager. Aujourd'hui, c'est plus une entité de l'économie sociale et solidaire, hein, une structure de l'économie sociale et solidaire, et donc un lieu d'accueil touristique qui a comme bras armé l'insertion. D'accord. Parce qu'en faisant mes recherches, il me semble avoir vu que les jardins en terrasse étaient au début des jardins entretenus et cultivés par des religieuses. Exactement, oui. D'ailleurs, nos bureaux, on est donc deux personnes au bureau, hein, ma collègue Émilie Nigier et moi-même en administratif, sont dans l'ancien hospice de ces religieuses, juste en dessous des jardins. D'accord. C'est effectivement des religieuses, oui. D'accord. Est-ce que tout le monde peut intégrer les jardins en terrasse ou est-ce qu'il y a des conditions ? Alors, pour ce qui est des adhérents, tout le monde. D'accord. Donc c'est une association, donc l'on peut adhérer. Si on adhère, on a des tarifs intéressants, notamment pour les nocturnes. Et on soutient un projet multifacette, comme je l'ai dit. Pour ce qui est des salariés, alors, donc, nous sommes 4 salariés permanents, 2 encadrants et puis 2 administratifs. Ensuite, l'équipe des agents polyvalents, donc en insertion, il y a des critères et c'est Pôle emploi qui décide si la personne est éligible pour ces contrats-là ou pas. D'accord. Donc ces critères ne sont pas figés, c'est un peu en fonction du parcours de la personne que Pôle emploi décide ou non d'attribuer de permettre cette éligibilité. D'accord. Donc pour travailler donc au sein des jardins en terrasse, est-ce que seulement les personnes majeures peuvent y travailler ou est-ce que ça vous arrive de prendre des stagiaires ? Nous prenons des stagiaires. Alors les salariés sont forcément majeurs. Les stagiaires, on peut imaginer travailler avec des stagiaires mineurs. Oui, je ne sais pas si c'est déjà arrivé parce que je n'ai pas tout le passé des jardins. Mais en tout cas, des stagiaires, oui, sûr. Des mineurs, pourquoi pas. D'accord. En intégrant les jardins en terrasse, quels sont le ou les objectifs des adhérents ? Je pense qu'elles sont multiples. Les jardins en terrasse, c'est un projet, moi j'aime bien utiliser le mot éthique, qui a une éthique forte, à la fois environnementale, à la fois sociale, solidaire, qui aussi sur l'aspect économique, hein, parce que elle permet de développement économique local. Donc, les adhérents, alors je ne les ai pas tous interrogés, mais je pense que c'est ces valeurs qui sont portées par les jardins qui peuvent les animer. Alors, certains peut-être plus sur l'aspect environnemental, préservation de la biodiversité ou potager, d'autres peut-être plus sur la dimension sociale, culturelle, artistique. Nous avons aussi des fois, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, des artistes en résidence qui vont proposer... leur art au service des jardins. D'accord. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous organisez des concerts. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, on va dire, de recevoir des chanteurs ou des groupes connus, entre guillemets ? Entre guillemets, oui. C'est relatif. Alors, le dernier l'avant-dernier, le jour de la fête des jardins, parce qu'on a une fête un petit peu plus importante, dans l'été, ce qui était le 3 août cette année. D'accord. Nous avions le groupe Barzingo, alors que moi je ne connaissais pas, je reconnais, mais je suis content de l'avoir découvert et qui est relativement connu à l'échelle locale, me semble-t-il. Et nous avons, donc ça c'était peut-être le plus connu, le 7 septembre, nous accueillons l'Échappée Belle, qui est aussi un groupe que certains des auditeurs connaissent peut-être, que je ne connais pas non plus. Voilà. J'ai beaucoup à découvrir. Voilà, donc après, on souhaite rester sur des groupes qui seraient plus... qui collent, j'ai envie de dire, avec le lieu. Donc plus chansons françaises, choses comme ça. D'accord. Alors il a été tenté de... un petit peu de rock et de un peu plus costaud et de punk, je crois, fut un temps, je ne sais plus, c'était peut-être même un peu l'année dernière. Et on est revenu à des choses plus traditionnelles pour les jardins. D'accord. Donc je propose que nous nous lancions tout de suite dans une première pause musicale. Nous allons écouter HK et les Saltabanks avec Para Cuando la Vida. Et nous nous retrouvons juste après. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Vive hoy! On abandonne et on renonce. On s'enlise et on s'enfonce. On s'enivre, on se défonce. Plus personne ne s'étonne, on se retrouve sans défense. On se jalouse et on s'envie. Vois à quoi désormais se résument nos vies. Du pain, des jeux et des grosses bagnoles. On se tire vers le bas quand nos idéaux s'envolent. De nos lâchetés, les rancœurs font leur lit. La parole est d'argent et les langues se délient. Prime à la délation, celui qui balance. Celui qui consomme, consume son existence. Je suis pas sûr de vouloir faire comme tout le monde. Pas sûr de pouvoir m'accommoder les mauvaises ondes. La tête dans un bocal, le cerveau qui explose. C'est quand qu'on passe à autre chose. Dis-moi, c'est pour quand le réveil. Révolution, ils veulent que tu la chantes. La main sur le cœur et la cocarde fringante. Mais malheur à celui qui sacrilège. Voudrait pour de bon abolir leurs privilèges. Tout là-haut, dans leur tour d'ivoire. Faire comme les coqs qui font peine à voir. Le changement dans leur slogan, dans leur discours. Pour ce qui est du passage à l'acte, on verra ça un autre jour, c'est de la communication. On communie et on cautionne comme ces escrocs que la foule ovationne. Ils s'étonnent de la montée de l'extrême qu'ils nourrissent au quotidien de leurs conneries suprêmes. Et nous, tous les soirs, on s'imagine en s'endormant que le petit prince des collines viendra nous parler doucement. Hey, il serait peut-être temps qu'on se réveille, qu'on foute enfin leur foutu monde à la poubelle. Para cuando la vida, dis-moi c'est pour quand le réveil. Para cuando la vida, dis-moi c'est pour quand la relève. Para cuando la vida, il serait temps au moins qu'on essaye. Et ça aura un momento. Celui dont l'esprit a su s'évader par-delà les prisons de verre et les barreaux dorés. Celui qui a su garder une âme d'enfant, des étincelles plein les yeux, vivant. Celui qui sait fuir les conseils sensés. Celui qui fait sien les chemins déviés. Celui qui pense par lui-même. Celui qui aime, qui sait pleurer quand son cœur saigne. Para cuando la vida, dis-moi c'est pour quand le réveil. Para cuando la vida, dis-moi c'est pour quand la relève. Para cuando la vida, il serait temps au moins qu'on essaye. Es ahora el momento, el momento, el momento. Para cuando la vida. Es ahora que hay que vivirla. Para cuando la vida. Es el momento de arriesgar. Para cuando la vida. Vivirla hoy plenamente. Es ahora el momento, el momento, el momento. Para cuando la vida. Es ahora que hay que vivirla. Para cuando la vida. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter HK et les Saltimbanques avec Para Cuando la Vida. Nous sommes toujours avec Olivier Robert. Ça va toujours ? Ça va toujours. Donc, on a un petit peu discuté pendant la pause musicale. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'association Les Jardins en Terrasse travaille en partenariat avec d'autres organismes comme Pôle emploi ou autres. Mais est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des élus locaux ou extra-locaux, comme les maires ou autres ? Oui, tout à fait. Nous avons comme partenaire la commune de Plombières, bien sûr, la communauté de communes, hein, vu que on est un site touristique, les offices du tourisme. Alors, j'ai pas parlé aussi de nos financeurs principaux, le conseil départemental, l'État qui a un rôle important parce que donc dans l'insertion, les salaires des gens en insertion sont financés par l'État. D'accord. Oui, on a un certain nombre de partenaires, des partenaires également dans le travail, dans le social. D'accord. Qui ont des raisons d'être proches des jardins. Voilà. Donc, D'accord. Est-ce que les jardins en terrasse proposent des aides, comme des aides financières ou autres ? Non, pas directement. Non, en fait, c'est pas la vocation des Jardins en Terrasse de proposer des aides financières. C'est une association donc à but non lucratif, qui n'engrange pas de bénéfices, hein, qui équilibre son budget et qui a plutôt besoin d'être aidé. On tient à ce que les jardins restent accessibles à tous en permanence et gratuitement. D'accord. Ça, c'est bon à savoir, c'est quand même des jardins qui sont gratuits, il y a des jeux en bois ou un sentier pieds nus qui sont accessibles pour tous sans payer. Mais il n'empêche que ce sont des associations qui restent dépendantes de subventions, malgré le chiffre d'affaires qui est fait avec la vente des produits avec l'acrobranche. Et également, c'est vrai que les dons sont les bienvenus. Voilà. Donc, d'accord. Ça va plus dans ce sens-là, oui. Justement, j'avais demandé, est-ce que les jardins en terrasse bénéficient-ils d'aides, que ce soit financières ou autres ? Oui, vous avez répondu. Voilà, c'est ça. Donc le conseil départemental et l'État sont les deux plus gros financeurs. Pour l'aide à l'insertion, pour également des projets. On a un projet, par exemple, sur la parentalité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on permet à des familles qui sont accompagnées socialement, d'accord, de passer une journée sur les jardins avec, en leur proposant un programme un peu clé en main, en mm-hmm. fonction des besoins identifiés par l'accompagnant social. Et on appelle ça des journées détente et nature. D'accord. Qui sont subventionnées par le conseil départemental. Nous avons également une aide, toujours du conseil départemental, sur l'EDD, l'écologie développement durable. Mm-hmm. Ce sont des animations d'écologie pratique qui sont proposées aux scolaires, qui sont également subventionnées par le département. Nous avons également, je l'ai dit, l'État pour la partie sociale, mm-hmm. pour l'investissement également, nous pouvons avoir des aides. La commune de Plombières qui donne une subvention chaque année et la communauté de communes qui devrait également abonder dans notre sens par rapport au vu de la raison d'être de l'association. D'accord. Il me semble également que il me semble qu'on l'a abordé tout à l'heure, les jardins en terrasse proposent des résidences d'artistes. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus ? Très peu. D'accord. Très peu, parce que, donc, comme dit, je suis encore un peu nouveau. La saison a été chargée. Ce sont des résidences qui sont... C'est pas chaque année. En fait, on peut avoir un été, un artiste qui va être en résidence pendant quelques mois, qui va proposer quelque chose. Cette année, ce n'était pas le cas. On est dans une année de transition avec que des permanents nouveaux, un nouveau bureau, un nouveau conseil d'administration. Donc, c'est une nouvelle page des jardins qui s'écrit. D'accord. Donc, on n'a pas voulu faire trop, plutôt consolider et écrire sereinement une nouvelle page plutôt que d'en faire trop. Donc, on n'a pas de résidence d'artiste aujourd'hui, mais probablement l'année prochaine. Ouais. D'accord. Je ne peux pas vous en parler encore aujourd'hui. D'accord. Donc, les jardins en terrasse proposent toutes sortes d'art, Alors, en fait, le lieu est, comment dire, il y a un terme qui revient souvent, hein, c'est le mot insolite. Ce sont des jardins effectivement insolites de par leur situation géographique. Hein. On a l'impression d'être au-dessus de l'église, d'être posé presque sur la ville de Plombières. Il y a en fait, quand on se promène, même moi ça m'arrive encore, quand on se promène sur les jardins, quand on flâne sur les jardins, je ne prends pas beaucoup le temps encore malheureusement, on est régulièrement surpris par un petit quelque chose, une petite œuvre d'art dans un coin, un petit objet rigolo dans un autre, ou par exemple une barrière au jardin en terrasse, ça ne sera pas comme ailleurs. Ça sera forcément, il y aura une petite dimension un petit peu insolite. Un panneau, c'est pareil. On a un petit peu partout comme ça des petites perles, des petites découvertes, de la poésie, beaucoup. On sent qu'il y a eu beaucoup d'énergie créative depuis des années. Et ça va continuer, j'en doute pas. C'est mon souhait le plus cher. Donc c'est plus à découvrir qu'à décrire. D'accord. Donc, quelles sont les principales tâches confiées donc aux adhérents, aux salariés et aux bénévoles de cette association ? Est-ce que c'est l'entretien des jardins ? Autre chose ? Alors, pour ce qui est des bénévoles, ça va être un petit peu à la carte en fonction des besoins de l'association et des compétences et des envies des bénévoles. D'accord. Donc ça peut être des prestations culinaires, aider à faire à manger ou à faire des produits que l'on vend. Ça peut être aider à terrasser un terrain par quelqu'un qui a le permis et une machine pour. Ça peut être aller récupérer des glaces chez un producteur à quelques kilomètres de là, tenir la caisse, tenir la buvette au moment des nocturnes. J'en oublie. Faire évidemment à manger aussi au moment des événements. Le marché de Noël également mobilise les bénévoles. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les bénévoles entre guillemets administratifs aussi qui travaillent. On a des réunions de bureau. Moi, j'ai une réunion de bureau tous les 15 jours avec le bureau et puis tous les deux mois avec le conseil d'administration pour définir ensemble les orientations stratégiques de l'association. Qu'ensuite, moi, je décline opérationnellement avec l'équipe de salariés, parce que mon idée n'est pas la hiérarchie pyramidale, mais plutôt quelque chose de collectif, de participatif, sachant que je vois plus la hiérarchie comme pour moi, c'est plus une affaire de responsabilité qu'une affaire de pouvoir. D'accord. Donc, j'essaye de mettre en place ça aussi, tout en assumant ce titre de directeur et les responsabilités qui vont avec. D'accord. Donc pour revenir à votre question, donc pour ce qui est des. Donc ça c'était les bénévoles. Pour les salariés, alors on a donc ce sont des agents polyvalents et qui sont amenés à faire de la vente, à faire du potager, à faire des animations, comme j'en ai parlé tout à l'heure, auprès des jeunes et des moins jeunes, des visites guidées. Animer aussi l'acrobranche. Alors là, ce sont des agents ceux qui font ça, c'est ceux qui ont été formés. Ils ont eu un diplôme pour ça. D'accord. C'est pas, on s'improvise pas non plus à l'acrobranche. Et heureusement d'ailleurs. Ouais. Pareil, les prestations culinaires. Ça peut aussi être faire partie des tâches qui sont confiées aux salariés. Donc ce sont vraiment des agents polyvalents et on souhaite que ça reste comme ça. C'est-à-dire que touchent un petit peu à tout, même si après, en fonction des aptitudes et des envies, on va plus orienter telle personne vers telle activité. On a envie aussi de les pousser un petit peu vers d'autres choses, sans non plus les mettre en difficulté. Il n'est pas question que les personnes arrivent la boule au ventre au jardin, en terrasse. Ça serait vraiment pas du tout bienvenu. Je donne un exemple, quelqu'un qui a un très grand vertige et qui veut absolument pas monter sur l'acrobranche, on va pas l'obliger à le faire. Mais là, par exemple, je pense à quelqu'un qui voulait, quand il est arrivé, Il ne souhaitait pas être en lien direct avec le public. D'accord. La vente, par exemple, le faisait peur. Et aujourd'hui, il est régulièrement à la caisse de l'Acrobranche et ça se passe bien. Donc c'est une avancée, c'est une étape. Et c'est aussi notre rôle. Parce que je n'ai pas parlé d'une dimension importante des jardins. C'est l'accompagnement socio-professionnel. D'accord. Donc nous avons une accompagnante qui travaille un peu plus de 8 heures par semaine. Et qui accompagne socialement et professionnellement les personnes pour leur permettre de... Le jardin, c'est une étape dans la réinsertion, pour leur permettre de rebondir professionnellement après. Parce que ce sont des contrats courts, hein, il ne s'agit pas de rester des années au jardin en terrasse. D'accord. Donc justement, c'était ma question suivante. Quels sont les types de contrats proposés ? Alors pour les agences, ce sont des contrats courts de 2 à 6 mois renouvelables jusqu'à D'accord. maximum 24 mois. Et D'accord. l'objectif, c'est de faire des points réguliers pour voir si pour s'assurer que la personne avance dans ses projets et lui permettre d'intégrer un emploi stable le plus rapidement possible. D'accord. Ou une formation. Et on les accompagne notamment vers des périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc des sortes de stages de quelques semaines pour qu'ils s'immergent dans le monde du travail et gagnent en expérience. D'accord. Ben, ça suit justement mon autre question suivante. Par exemple, si un adhérent ou une adhérente des jardins en terrasse trouve un emploi alors que son contrat avec les jardins en terrasse n'est pas terminé, est-ce qu'il ou elle peut quitter l'association pour prendre son emploi? Et si oui, quelles sont les conditions prérequises? Aucune, mon général. D'accord. Priorité absolue à l'emploi. Donc, si la personne trouve un emploi, elle peut partir du jour au lendemain. Elle nous prévient le plus tôt possible. Si c'est pas possible de nous prévenir le plus tôt possible, ben voilà, on fait avec. C'est vraiment le jeu de l'insertion. L'idée, D'accord. c'est pas de les garder, même si c'est une personne avec qui ça se passe très bien et qui apporte énormément au jardin. L'objectif premier, c'est elle et sa vie sociale et professionnelle. D'accord. Et donc justement, si cet emploi il ne fonctionne pas, cet adhérent ou cette adhérente peut très bien revenir au jardin en terrasse ? Pas de façon systématique. D'accord. Non, c'est vraiment du cas par cas. Mais normalement, une fois que la personne est partie, elle va vers d'autres horizons. Mais c'est quelque chose qui peut éventuellement être négocié avec l'employeur au cas par cas. À voir. Mais après, on a aussi des règles à respecter par rapport au niveau de l'État qui nous demande de rendre des comptes, notamment au niveau des sorties. On doit quand même montrer que notre structure permet à des personnes d'aller vers une vie plus stable et plus sereine financièrement. Et donc, on a des chiffres qui sont négociés en début d'année pour les sorties, et on essaye de les respecter au maximum. D'accord. Donc je propose que nous nous lancions dans une seconde pause musicale. Nous allons écouter Au Feu Rouge de Grand Corps Malade et on se retrouve juste après. Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo. Vous venez d'écouter Grand Corps Malade avec Au Feu Rouge. Nous sommes toujours en compagnie de Olivier Robert, directeur des Jardins Terrasses. Ça va toujours ? Ça va parfaitement. Donc, pendant la pause musicale, nous avons une nouvelle fois un petit peu discuté. Et quels sont les horaires d'ouverture des différentes activités que proposent les Jardins Terrasses ? Alors, comme je l'ai dit, les jardins sont accessibles gratuitement. En permanence. D'accord. C'est une volonté. Hein, donc, avec des activités, comme je l'ai dit, des jeux en bois ou le sentier pieds nus qui reste gratuit. Donc, ça, dans un monde où tout est monnayable, nous, on souhaite garder quand même encore des activités gratuites. Néanmoins, nous avons des horaires d'ouverture pour les parties effectivement de loisirs plus importantes et de ventes. Alors l'Acrobranche est ouvert tous les jours de 13h30 à 19h pendant les vacances scolaires. Donc tous les jours, hein, du week-end compris, jours fériés compris. Et le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés hors vacances scolaires. Et c'est la même chose pour le petit bistrot, donc le chalot. Voilà, là c'est un tout petit peu plus tôt, 13h, 19h, tous les jours pendant les vacances scolaires et mercredi, samedi, dimanche, jour férié, hors vacances scolaires. D'accord. Pouvez-vous nous parler de l'événement que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, celui du 7 septembre prochain ? Alors le 7 septembre, c'est notre dernière nocturne de la saison. Il y en aura eu 5 cette année. C'est donc un concert alors, qui est proposé, co-organisé par Les Jardins en Terrasse et l'association Marie Tournelle, qui est une association d'orgue de Barbarie. D'accord. Voilà, qui propose ce type de musique. donc, qui est une association plombinoise. On co-organise cet événement avec, en début de soirée, à partir de 18h, donc, les orgues de Barbarie qui vont résonner sur les jardins près du chalot. Et je pense qu'ils s'y sentiront bien, avec donc un apéritif, des petites choses à manger, de la tarte flambée qui sera proposée, des grillades, des frites, voilà. Et à partir de 20h30, un concert, donc le concert du groupe L'Échappée Belle. D'accord. Enfin, Échappée Belle, je ne crois pas qu'il y ait de L apostrophe. D'accord. Qui est donc un groupe de musique irlandaise. Que je ne connais pas non plus, encore. Est-ce que chaque pôle que proposent les jardins en terrasse correspondent à un travail en particulier ? En d'autres termes, quel est le but de chaque pôle ? Par exemple, je vois sur le site internet des jardins en terrasse www.jardinsenterrasse.fr que le travail de plein air correspond par exemple au pôle social. Vous pouvez répéter la question ? Est-ce que chaque pôle qui propose les jardins en terrasse correspond à un travail en particulier ? Alors, quand vous dites chaque pôle, vous référez à quel... Pôle social, pôle... Ouais. Les différents pôles. Non, on peut pas voir les choses comme ça. Parce d'accord. Que, donc, il y a donc plusieurs travaux, plusieurs tâches qui sont plusieurs activités qui sont faites sur les jardins. Et elles sont toutes menées par les agents polyvalents. D'accord. Et les agents polyvalents, le fait qu'ils soient en contrat d'insertion, c'est la dimension sociale, elle est là. Après, non, ils font des choses qui sont liées à la culture, d'autres qui sont liées à la préservation de l'environnement, au jardinage écologique, à la vente de produits. Donc non, c'est mélangé, c'est transversal en fait. D'accord, donc un bénévole ou un salarié peut faire quelque chose un jour et totalement autre chose le lendemain. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, actuellement, par exemple, donc comme on est dans la forte saison, on a le planning est fait ainsi. Nous avons les personnes qui sont de jardin, qui travaillent le matin, de 7h à midi. D'accord. De 7h à 13h, pardon. Et ceux qui sont de l'après-midi, de 13h à 19h. Donc l'après-midi, ça va être plus sur la partie prestation auprès du public. Et le matin, ça va être plus le jardin, en fait. D'accord. Tout ce qui est lié au jardin, après, c'est assez vaste. Hein, beaucoup de fabrication aussi d'objets en bois, de réfection des terrasses. Il y a pas mal de choses. Activité jardin, c'est assez varié aussi. D'accord. Donc, il me semble que l'association Les Jardins en Terrasse se situe non loin de la cité thermale. Ah oui, juste au-dessus, c'est dans la ville, hein, ça surplombe le centre-ville. Donc est-ce que justement les adhérents et les adhérentes des jardins en terrasse travaillent-ils également pour la cité thermale ou pas ? Pour la cité thermale, indirectement oui, c'est-à-dire qu'à partir, comme c'est un acteur économique et touristique de la ville, il travaille pour l'attractivité de Plombières-les-Bains. Mais après, ils sont pas embauchés par, ils sont bien embauchés par l'association et travaillent essentiellement sur les jardins directement. D'accord. Donc je propose que nous nous lançons dans une troisième et dernière pause musicale. Nous allons écouter Hubert Félix Thieffen avec La Ruelle des Morts et on se retrouve juste après. Barberousse avait ici sa garnison. et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On était rêve, casque et fémur en bas dans la ruelle du mort. Dans la ruelle. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait mers et kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifor qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école. Quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une quinte royale mentor. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous faisaient goûter leurs framboises en bas dans la ruelle du mort. Dans la ruelle du mort. Dans la ruelle du monde. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels et qu'ils en fêtent des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo. Nous sommes toujours en compagnie de Olivier Robert, directeur de l'association Les Jardins en Terrasse. Ça va toujours ? Ça va, merci. Donc, nous avons une nouvelle fois un petit peu discuté pendant la pause musicale et vous m'avez parlé d'un événement qui s'intitule Les Mille Lumières. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui. Alors, Les Mille Lumières, c'est un début de soirée un peu particulier qui attire chaque année pas mal de monde. C'est les jardins illuminés de mille feux. D'accord. En début de soirée, donc dans la nuit hein, déjà, ça sera au mois de décembre. Et donc c'est un moment de poésie très apprécié, paraît-il. Pareil, je ne l'ai jamais vu, donc j'ai hâte. voilà, c'est du rêve, c'est de la poésie dans le cadre du marché de Noël de Plombières-les-Bains. D'accord. Nous participons. Nous avons un petit stand un petit peu excentré de la rue principale où nous proposons quelques petites animations dans le cadre du marché de Noël et ces mille lumières sur les jardins eux-mêmes. Donc ça sera le samedi 14 décembre. D'accord. Samedi 14 décembre à partir de 18h. Jusqu'à une heure précise ou pas ? Non. Pas d'heure précise. L'illumination, bah, c'est jusqu'à ce que les bougies soient finies. D'accord. Voilà. D'accord. Avez-vous quelques données chiffrées à nous communiquer ? Alors, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que nous avons donc, au niveau des salariés, nous sommes, je crois que je l'ai déjà dit, 4 permanents. Mm-hmm. Au niveau des agents polyvalents, nous avons 10... entre 9 et 10 équivalents temps plein, c'est un peu bâtard comme mot, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 10 personnes qui travaillent à temps plein toute l'année. Sauf que les personnes en insertion ne sont pas à temps plein, elles sont maximum à 30 heures par semaine, donc au final ça fait un peu plus que 10 personnes en moyenne sur les jardins. avec des objectifs de 3 à 4 sorties, ce qu'on appelle des sorties positives sur l'année. Donc des gens qui retrouvent un emploi stable après les jardins en terrasse. D'accord. Avant de prendre la décision d'intégrer votre association, est-ce que les futurs adhérentes et adhérents peuvent bénéficier d'une sorte de période d'essai, d'une période d'immersion ? Il faut bien distinguer les adhérents des salariés. Les adhérents, ce sont des gens qui payent une cotisation pour faire partie d'une association, d'accord, les jardins en terrasse, qui peuvent devenir des bénévoles ou pas, simplement être adhérents pour soutenir, à partir de 10 euros, mais on peut donner 1000 si on veut. D'accord. Donc ils payent une cotisation pour dire qu'ils appartiennent au jardin, les soutenir, devenir bénévoles éventuellement s'ils le souhaitent. Donc eux, ils viennent, non, il n'y a aucun problème, tout le monde est le bienvenu. Après, au niveau des salariés, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de leur éligibilité au contrat. Le fait de... Mais je ne sais plus exactement votre question. Je ne sais pas si j'y ai répondu. En fait. J'ai demandé si, avant de prendre la décision d'intégrer votre association, est-ce que les futurs adhérents ou même salariés peuvent bénéficier d'une période d'essai, d'une période d'immersion ? Alors, les bénévoles, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils peuvent de toute façon à tout moment partir s'ils le souhaitent, s'ils n'ont plus envie d'aider les jardins. Pour les salariés, alors, ce sont des contrats, hein, des contrats de travail comme tout contrat de travail, mm-hmm, avec une période d'essai qui dure 15 jours. Donc pendant ces 15 jours, nous, les jardins comme la personne, peut rompre le contrat du jour au lendemain. D'accord. Pendant la période d'essai. Oui, c'est comme dans une entreprise normale, entre guillemets. Voilà, mais ce sont des contrats de droit classique, hein, c'est le droit du travail normal qui s'applique, en fait. D'accord. Donc on arrive à la fin de cette émission. Un dernier mot, peut-être ? Eh bien, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Et voilà, moi, je suis ravi d'avoir intégré cette structure qui me semble vraiment les jardins en terrasse me semblent un très bel outil pour faire avancer la cause sociale, la cause environnementale. Et c'était mon objectif d'associer les deux avec la dimension culturelle également. Donc voilà, je pense qu'on va faire un beau petit bout de chemin, l'équipe qui est là actuellement. Quand je dis l'équipe, je pense salariés et bénévoles. Mm-hmm. Et voilà, je vous invite tous à venir nous voir, venir vous balader sur les jardins. Donc c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de En route vers l'insertion. Je remercie une nouvelle fois Olivier Robert d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguemozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo, avec tous les liens utiles, donc le lien du site et le lien de la page Facebook. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En route vers l'insertion, et lundi pour un nouveau numéro de La Cristoire du cinéma, mais vous connaissez la chanson désormais. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.